Notre objectif est de vous satisfaire. Et si Billboard donnait la parole aux mannequins? On l'avait annoncé sur les réseaux sociaux et on commence aujourd'hui même avec Chic Haïti. Elle est mince, de petite taille. Chic Haïti, de son vrai nom Taïna Florentin, vient de très loin. Pour tout dire, ça a commencé avec un paquet de farouches. Ça a commencé avec Boussum. Au niveau famille, au niveau amis, qui a toujours trouvé que ou trop mais d'ailleurs comme dit nous que papa me sont qui croient en bosseur en ville, donc qui a toujours trouvé que hey Taïna ou mess moi petit blague moi, donc toujours trouvé que me trop mess des pas toute la mexo des pas cherche comme des pas tout. Et avant ça te quand dérangeait que moi t'ai toujours voulu et il me voulait pour si rien. Et moi j'ai un paquet d'amis qui n'a même qui fait même pas avec qui même grosse avec et qui est complexe à la caillou qui trouvait que pas assez bien et que besoin aussi. Et puis me vient dit hey, moi-même mais et c'est pas moi qui fais ça, c'est on fait. Et que m'pap ka changer ça. Et si m'a laissé changer ça, m'ka arrivé, m'ka fait comme ou bien m'vienne bon résultat que moi pas aimé moi-même. Et les m'a réfléchi bien, les m'fon et introspection, moi dit tête moi que à la fin de la journée moi aimer Jean moyen. Moi aimer grosse m'là, l'aime ton bail en forme la donne. Donc moi aimer ça moi la miroir. Et jusqu'à ce que dans fête des philosophes moi dans philo, OK, photographe qui était supposé faire photo pour promotion non, c'était Reginald George. Et là prend photo pour moi, même je t'ai pris photo pour un paquet d'autres monde, il était venu trouver que il était venu arriver web. Il était venu dire que hey, moi aimer grosse. Et donc je pense que nous ka font paquet de bagages ensemble et c'est les amis nous manquer que moi pas peut-être que moi pas film trop mec parce que ça. Et l'expérience qui a tout changé viendra justement après qu'elle se soit acceptée. Chic Haïti est déjà bien loin des complexes de la minceur. Quelques mois après, Regina contacté me et il était venu proposer pour moi faire pour moi participer dans une vidéo que Charisma NYC a fait qui s'était arrivé sur moi. Qui te gagne deux rôles principaux et côté me chance pour te jouer une rôle principal yo. Et les original était tout parler avec me était tout dire que après une fois que ou prend sang que ou bail toute passion ou bail le meilleur de vous même notre travail ou pas capable joindre l'autre monde qui vient qui relo après travail sont fait parce que tu ouais travail ça tu ouais côté fait bon travail bien entendu c'est ça qui vient arriver. C'était premier travail moi même déjà non paquet aide moi déjà non paquet monde qui te dit moi déjà aide beaucoup de gens qui te dit mais qui gens pour poser mais qui gens pour faire travail ça et qui te vient faire une superbe collaboration et côté tout le monde satisfait. Et c'est après que moi j'ai non paquet l'autre monde qui vient proposer des contrats qui vient faire appel à moi. Femme dit nous que moi bien dit nous que tout bail ça a commencé l'aime dans philo et exactement dans même année ça moi t'ai gagné théâtre que moi t'a fait dans l'école moi OK et mais pour moi les bon rapport parce que tu vois quand tu es devant une caméra c'est act donc il bon possibilité pour plusieurs monde à la fois il bon possibilité pour un monde que peut-être moi là pas jamais lié dans la vie mais il bon possibilité pour mettre dans pour plusieurs l'autre monde un monde triste un monde sexy un monde qui représente Haïti il bon plusieurs choix tu vois donc c'est ça que moi aimer l'aime devant caméra moi quand moi je à mon café ça me plaît et pas quelqu'un mon cap dit mieux non what ou pas café ça parce que ça c'est pas au même ça c'est un bail qui existait en dehors du temps mais une fois que moi devant caméra ça mon cap plusieurs mon cap tout le monde que moi fait donc c'est ça la magie. Chic Haïti fait désormais de la pub. Sa page Instagram est bombardée de retours après chaque photo publiée mais elle reste humble malgré tout. Techniquement moi c'est mon qui prend baillot au jour le jour parce que si ma préfère bien toute la vie si 5 ans de cela si on te dit que mec qui compte ta pied et qu'il y a on tap dans billboard là m'ta dit hey ou trop pour le monde et hey c'est la mienne que moi pas considérer que moi bon viste OK mais moi considérer plutôt que moi béni et ça arrivait que m'a marché que bon monde qui reconnaît moi qui dit hey, ça c'est Haïti ou bien ça arrivait ou bien j'ai des monde qui écrit qui dit que moi c'est modèle yo et que y a suivre moi et que moi pour ton paquet changement et que yo t'as envie ouais mon foi donc moi toujours prends ça avec un pile plaisir moi toujours content ça toujours fait mon paquet plaisir mais à la fin de la journée m'a considéré tant qu'on star vraiment parce que si n'a regardé différence qui gagne entre moi avec mon ancien juste que moi-même moi camper devant caméra mais à la fin de la journée c'est même vie c'est même bail donc et c'est ça même moi toujours content moi toujours senti plusieurs les jeunes des monde ça cap dire que yo rêve ça m'a fait avec yo apprécier. Je vous rappelle que son vrai nom est Taïna Florentin, d'où la question pourquoi c'est Chic Haïti sur les réseaux sociaux. Bon, Chic Haïti c'est pas un bail comme dit extraordinaire qui ont paquet histoire d'elle, c'était son bail bien simple, c'était parce que premièrement moi t'ai Tayo, Tayo H5, c'était non ça m'était toujours gagné depuis dans secondaire. Et ensuite, moi j'ai un bon nom qui était plutôt bizarre, que tout le monde trouvait que c'était bizarre, était original parce que me dit qu'il était bon, était la paix. Mais avant fois me dit non que me sont fan de chocolat. Donc d'où le Nutella. Et puis ensuite j'ai invité les têtes moi chocolat. Et là j'ai invité les têtes moi chocolat. OK, c'est parce que tu bon publicité qui était là longtemps que me t'ai aimé. Une semaine avant que moi changer nom, yo vinn font une publicité pour chocolat. Et je me dis que je vais arrêter de mettre chocolat. Et puis, je vais mettre chic. Et puis, je me dis pourquoi ne pas mettre Haïti? Parce que, bon, moi je vais Haïti et moi je suis haïtienne. Donc, moi je vais Haïti. Et à la fin de la journée, je vais mettre chic Haïti. Donc, je me dis que c'est plutôt chic. À chaque fois que je mette mon nom, je dis toujours dans ma vie. Je dis toujours, mais moi, je suis non ça. Et nous, nous sommes original. Tu vois, donc, je vais mettre chic Haïti. Il n'y a pas de monde qui vient écrire, qui vient dire, ah, you know what? Ça fait chic, chic, choc. So, okay, fine. Si elle aime poser, la jeune fille de 20 ans travaille et continue avec ses études. Elle reste aussi ouverte à toute proposition susceptible de la faire évoluer. Bon, oui, moi-même, moi à l'école et moi à travail également. Et moi, je consacre dans tout ça qui a rapport avec eux. So, si bon monde qui est intéressé, qui a fait eux et qui a besoin de monde, que ce soit pour ton conseil, bien entendu, moi, pourquoi assimiler tout bagage, moi connais tout bagage vraiment, mais moi pas de problème partager le peu que moi connais parce que c'est apprendre nous tout à pas apprendre, personne pour jamais qui n'apprend. Donc moi toujours là pour partager tout ça moi connais et moi toujours là pour m'apprendre. Donc si vous avez besoin, je suis là. Donc il y a juste contacter et voilà, notre série spéciale et si Billboard donnait la parole au mannequin a officiellement été lancée par Chic Haïti. On attend vos réactions sur notre page Facebook et Instagram. Donc, ma première, c'est tout le monde qui te suit et nous sommes ensemble avec. Ma première, c'est tout le monde qui suit moi, qui toujours à regarder ça m'a fait. Et ma première, c'est tout le monde qui peut suivre moi sur Instagram, qui c'est Chic Haïti, C-H-I-C-A-Y-I-T-I. Et si mon conseil que ma pote m'a dit, tout ça m'a fait, fais-le avec passion, fais-le avec l'amour. Parce que nous mettons quoi, parce que moi-même, je ne fais pas cette expérience que moi pas très aimer soit parce que on me dit que c'est ça qui est bon pour moi soit parce qu'on l'autre me dit que c'est expérience pour faire qui prend la veine et les mal essayer vraiment ça qui arrivé moi pas envie lever dans cabane le matin moi m'a veiller l'heure moi rase je m'ennuie donc moi envie ça conseil que moi t'a porté pour nous c'est si n'a font bagaille fait un bail qui donne envie lever dans cabane le matin il n'a font bagaille mettez plus passion là-dedans et la poisson l'autre bagaille c'est même pas mon travail que la prière aussi au parti de plaisir côté n'a juste à l'aise et n'a pas le meilleur de nous-mêmes donc vraiment passion c'est vraiment toute bagaille fais-la avec passion fais-la avec l'amour et puis pas oublier sur vous merci bye bye.